Moi, les premiers que j'ai la première fois que j'ai vu ça, c'est dans les écrits liés au spiritisme. Puis c'est bien avant que je lise Bernard, que je pense que dans son livre, là, le livre d'Allan Kardec, le livre des esprits, qui aujourd'hui, je ne pourrais pas relire ça sans avoir une certaine tristesse. Vous savez, même lui, à la fin de sa vie, a fini par avouer qu'on ne pouvait pas se fier à rien de ce qui s'était fait manipuler. C'est quoi donc lui son vrai nom? Léon Rival. Léon Rival, c'était un physicien, c'était quelqu'un qui avait, c'était un scientifique, c'était un empiriste très carré. Puis lui-même était contre le spiritisme. Puis il avait dit, le jour où on me démontrera qu'une table a un système nerveux, des muscles, puis là, je vais peut-être y croire, mais finalement, il s'est fait prendre au jeu par l'impression. Il était invité à une soirée, puis il y avait une petite corbeille en osier qui dansait. Ça l'a impressionné.